tout le temps. Non, non, non, non, non, non, non, Nanette. Pauvre Tommy, la l'air vexé, nous ne voulions pas l'offenser. Faudra-t-il jamais nous excuser? Qu'il boude après tout. Il doute de vous. Je n'ai rien fait pour le pousser à bout. Songez que d'un faux mouvement, parfois vous peut innocemment blesser un cœur très profondément. Pourquoi me gronder et me sermonner? Cela va donc encore recommencer. Non, non, Nanette, c'est jour et nuit, le refrain qui me poursuit. Non, non, Nanette, on prend plaisir à réprimer mes désirs. Bien sûr, tout me sera permis lorsque j'aurai des cheveux gris. Mais pour l'instant, c'est tout le temps. Non, non, non, non, non, non, non, Nanette. C'est si bon de faire ce qu'on veut. Je me laisse faire pousser les cheveux. J'aurai les robes les plus jolies. Nanette, attention, pas trop d'ambition. Je ferai toutes sortes de folies. Je matcherai Suzanne Lenglen, je conduirai ma Citroën. Et si tout cela ne suffit pas, mais ma parole, elle devient folle. Je deviendrai vedette de cinéma.